Audiomatique. L'agencement de son et de rythme et de mélodie ayant introduit la transmission 1-3-4 d'Audiomatique se résume à un seul mot, Guazou. Il s'agit en effet du titre homonyme de la pièce, de l'album ainsi que du projet qui nous a transportés jusqu'au moment présent. Chaque choix que font les électronistes en inspire une panoplie d'autres. À chaque transmission, nous devons nous restreindre dans nos envies de vous faire découvrir ce qui nous fait vibrer. La musique électronique possède un spectre très large et il nous est difficile de ne devoir choisir qu'une cinquantaine de minutes de musique à chaque semaine. C'est donc consciemment que nous limitons nos interventions vocales afin de donner à la musique le plus d'espace possible à Audiomatique. La dernière des trois pièces qui composaient ce bloc musical à Audiomatique était l'œuvre du groupe montréalais Artist of the Year et s'intitulait Popel Nipple de leur premier album Cut Disco, paru en 2005. Précédemment, nous avions droit à nul autre que Charlotte Gainsbourg, de qui nous entendions la chanson Voyage de son troisième album IRM, dont la plupart des chansons ont été composées et produites par Beck. Et pour débuter, les électronistes vous présentaient un succès souvenir du début des années 80, signé Yazoo, soit la chanson Situation, ici remixée par François Kevorkian sous le nom de 1982 US Remix. Rappelons que Yazoo a été fondé par Vince Clarke après son départ de Depeche Mode et par la chanteuse Alison Moyet. Le groupe a existé de 1981 à 1983 et compte deux albums à son actif. C'est sur la musique envoûtante de l'un des pionniers de la musique minimaliste contemporaine que se poursuit la transmission d'Audiomatique. Le compositeur américain Terry Riley nous transporte dans son univers avec la pièce-titre de son album A Rainbow in Curved Air, paru en 1969. longue pièce « A Rainbow in Curved Air » que nous écoutions fut composée par Terry Riley, un artiste américain reconnu pour son œuvre pionnière dans le genre minimaliste. Il s'agit de la pièce-titre de son album paru en 1969. Notez que Terry Riley offrira un concert en compagnie de son fils Giant Riley dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville qui se tient du 18 au 21 mai prochain. Afin qu'Audiomatic puisse respecter ses engagements temporels, nous vous offrons la musique du groupe montréalais Altamina. It's a little bit hard for me to say. Your little kiss. looking for his songbird. He was looking for his wings. There was trouble taking place. Trouble taking place. There was trouble taking place. Trouble taking place. À Audiomatique, vous avez peut-être reconnu la pièce « The Garden » de l'excellent album « Is This Desire » de PG Harvey, qui était en spectacle à Montréal les 24 et 25 avril dernier pour nous présenter les compositions de son plus récent album « The Hope Six Demolition Project ». Les électronistes étaient sur place le 25 avril et nous avons assisté à un spectacle mémorable. Et ce soir-là, il n'y avait pas des musiciens que sur scène et c'est par pur hasard que nous avons rencontré dans la foule Marco Gervais, membre du groupe Surface of Atlantic, qui travaille présentement sur leur quatrième album qui paraîtra en 2018. Nous entendions d'ailleurs la pièce-titre du troisième album de Surface of Atlantic, tout juste avant PG Harvey, soit la pièce Fortunate Lives. Marco Gervais nous a aussi confié qu'en parallèle, le chanteur de Surface of Atlantic, Dave Douville, peaufine présentement des chansons pour un album solo qui sera un mélange entre Surface of Atlantic et une touche à la Tom Petty. Il nous a même révélé que son autre groupe, Altamina, termine l'enregistrement de son troisième album en ce moment et est en pourparlers avec le réalisateur Peter Caddis, qui a travaillé entre autres avec Interpol et The National afin qu'il mixe l'album à New York. En début de bloc, nous vous présentions la chanson Solstice d'Altamina, parue sur leur deuxième album Tomorrow Morning Will Be Tonight. Si tout va bien, le prochain album d'Altamina sortira à l'automne et, au dire de Marco Gervais, sera beaucoup moins indie rock, mais plutôt indie synth rock ambiant, avec des influences à la Joy Division, Nick Cave, XTC, des synthétiseurs style années 80, des échantillonnages de guitares en boucle et un mélange de batterie organique et de drum machine. Mentionnons qu'en plus de Marco Gervais et François Graham, également membres de Surface of Atlantic, on retrouve au sein d'Altamina, et je cite, la jolie Roxanne Miller à la basse et l'Australien nouvellement arrivé à Montréal, Matt Davis à la batterie. C'est sur la musique de la formation Dark Wave Blue Tangle que se terminera la transmission 1-3-4 d'Audiomatique de l'album Monument. Nous entendrons la pièce Deine Welt. Les électronistes qui espèrent que cette transmission 1-3-4 d'Audiomatique vous a donné l'envie d'entendre de la transmission 1-3-5 que nous vous présenterons mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est fou. Nous vous invitons fortement à visiter nos plateformes afin d'avoir accès à toutes nos anciennes émissions, soit facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici Blue Tangle et Deine Welt. Bonne écoute et bonne semaine. Du hast nur dieses Leben. das ist deine neue